Sarah, je t'en prie, ne pars pas. Sarah, je t'en prie, reste là. T'achèterai de beaux colliers et la laisse dont tu as toujours rêvé. Je t'emmènerai te promener, plus jamais tu ne recevras de fessées. On ira au supermarché, à la boulangerie sans être attaché. J'irai faire un tour chez le boucher pour trouver quelque chose à manger. Je sais c'est pas très rigolo de se trimballer toute la journée dans le métro. T'emmènerai au Venezuela, à Caracas dans ses rats avec les chihuahuas. On prendra le bateau et t'inquiète pas, à la barre ça sera pas le père Jojo. Tu verras quand l'été arrivera, sur les routes rouges là tu me regretteras. Ça fait 6 mois que tu n'es plus là, je n'ai plus aucun souci. J'ai trouvé du boulot et je suis respecté dans tout le quartier. Sarah, je t'en prie, ne reviens pas. Sarah, je suis si bien sans toi.